tête, je garde tous ces moments précieux. Photos qui se regardent me ramènent dans ces lieux. Visages de rencontre, paysages traversés. Mon cœur qui monte vers ces années passées. Cartes postales jaunies, albums photos qui soleil à Santorin, ce temple perdu au Cambodge, cette nuit à Berlin, ce moment sans horloge, tous ces instants figés dans mon cœur pour toujours, même si j'ai changé, il reste, c'est mon amour, nostalgie qui m'envahit. Ces merveilles à ceux